Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui suivez ce qui est juste et qui cherchez le Seigneur. Portez votre attention sur la pierre dont vous avez été taillé et sur la cavité de la citerne dont vous avez été arraché. Portez votre attention sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Je l'ai appelé Saul, et je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Ainsi le Seigneur consolera Sion, et il consolera toutes ses ruines. Il rendra son désert comme un lieu de délices, et sa solitude comme un jardin du Seigneur. On y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâce et la voix de la louange. Soyez attentifs à moi, mon peuple, ma tribu, écoutez-moi, parce qu'une loi sortira de moi, et que mon jugement pour la lumière des peuples reposera parmi eux. Proche est mon juste, sorti est mon sauveur, et mes bras jugeront les peuples, les îles m'attendront et elles espéreront mon bras. Levez au ciel les yeux, et voyez en bas sur la terre, parce que les cieux comme la fumée se dissiperont, et la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants comme elle périront. Mais mon salut sera éternel, et ma justice ne périra pas. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste, mon peuple dans le cœur de qui est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, n'appréhendez pas leurs outrages. Comme un vêtement le ver les rongera, et comme la laine la teigne les dévorera. Mais mon salut sera à jamais, et ma justice dans toutes les générations. Lève-toi, lève-toi, revêt-toi de force, bras du Seigneur. Lève-toi comme aux jours anciens, dans les générations des siècles. N'est-ce pas vous qui avez frappé un superbe, blessé un dragon? N'est-ce pas vous qui avez desséché la mer, l'eau du grand abîme, qui avez établi une voie au profond de la mer, afin que ceux qui avaient été délivrés y trouvassent un passage? Et maintenant, ceux qui ont été rachetés par le Seigneur retourneront et viendront à Sion chantant des louanges. Une allégresse éternelle couronnera leur tête. Ils posséderont la joie et l'allégresse. La douleur fuira ainsi que le gémissement. C'est moi-même qui vous consolerai. Qui es-tu pour craindre un homme mortel, le fils d'un homme qui comme l'herbe séchera? Et tu as oublié le Seigneur qui t'a créé, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu as tremblé sans cesse tout le jour devant la fureur de celui qui te tourmentait et se préparait à te perdre. Où est maintenant la fureur de celui qui te tourmentait? Bientôt viendra celui qui est en marche pour ouvrir les prisons. Il ne tuera pas jusqu'à une entière extermination, et son pain ne manquera pas. Or moi je suis le Seigneur ton Dieu, qui agite la mer et ses flots se soulèvent. Le Seigneur des armées est mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et à l'ombre de mes mains je t'ai protégé, afin que tu établisses des cieux et que tu fondes une terre, et que tu dises à Sion, « Mon peuple, c'est toi ». Lève-toi, lève-toi, réveille-toi, Jérusalem, qui a bu de la main du Seigneur le calice de sa colère. Jusqu'au fond du calice d'assoupissement tu as bu, et tu as bu jusqu'à la lie. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'en est pas qui la soutienne. Et de tous les fils qu'elle a élevés, il n'en est pas qui prenne sa main. Il y a deux maux qui sont tombés ensemble sur toi. Qui s'attristera pour toi? Le ravage et la destruction, la faim et le glaive, qui te consolera? Tes fils ont été jetés par terre, et ils sont couchés dans tous les carrefours, comme un oryx pris dans les filets. Plein de l'indignation du Seigneur et de la réprimande de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, Jérusalem, pauvre et ivre non de vin. Voici ce que dit ton dominateur, le Seigneur est ton Dieu, qui combattra pour son peuple. Voilà, j'ai pris de ta main le calice d'assoupissement, le fond du calice de mon indignation. Tu ne continueras plus à le boire à l'avenir. Mais je le mettrai dans la main de ceux qui t'ont humilié, et ont dit à ton âme, courbe-toi afin que nous passions. Et tu as mis ton corps comme la terre et comme la voix des passants. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire,